Ça fait des mois que j'ai pas poli ma pierre. Plus rien à dire, même à travers mes prières. Je critique mon daron comme si j'étais meilleur. Un lion, ça reste un lionceau sous la crinière. 24 hivers, je dois rentrer à la maison. Forcé de l'admettre, je me suis planté sans le vouloir. Sauf qu'à la maison, j'ai même plus ma chambre. Je dors sur un matelas posé au fond d'un couloir. Ah, merde. La mélodie parle plus que les mots. La mélodie parle plus que les mots. La mélodie parle plus que les mots. Yeah. J'étais jamais parti, j'ai fait le tour de mon pays. J'vois même plus mes gars, c'était ça le prix à payer. Un refrain qui va mal, j'suis même plus au courant. J'apprendrai plus tard que son père était mourant. Rendez-moi les rêves et l'enfance qu'on m'a pillé. Mon ciel n'est plus garni d'étoiles. Où est passée celle qui dort sur l'autre oreiller? J'm'endors seul ce soir à l'hôtel. Oh mec. La mélodie parle plus que les mots. La mélodie parle plus que les mots. Quelques addictifs pour apaiser ma conscience. Chaque sortie de route, j'y ai trouvé du bon sens. Trop jeune pour creuser ma tombe, à moins que la vie me rappelle que je ne suis fait que d'atomes. Avant qu'elle m'enseigne comment faire, mais je suis largué. Les erreurs, c'est un poids lourd à tracter. Tu peux me croire. Je m'endors avec sur un banc du quartier. La mélodie parle plus que les mots.